Eugène Mouton, Les deux vieilles dames sourdes. Étude psychologique, lue par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre. Du temps que j'habitais Cerceau-la-Toupie, où le gouvernement m'avait confié les importantes fonctions de receveur de l'enregistrement, j'étais logé chez une vieille dame, veuve d'un commis à cheval des contributions indirectes. Elle n'avait d'autre bien que sa maison, avec un petit enclos planté de mûriers. Quelques fleurs dans un jardinet, deux vignes grimpant à la façade et s'étalant sur une treille, quelques pêchers en espalier, s'épanouissant sur les murs de droite et de gauche, tel était ce petit domaine. L'été, elle élevait des vers à soie, ce qui lui rapportait de 400 à 600 francs. Elle avait le privilège assuré de loger le receveur de l'enregistrement, par la raison que c'était l'usage. Et c'est l'usage, en Provence, constitue aussi souvent une rente au bénéfice de certaines personnes qu'une servitude à la charge de certaines autres. Enfin, elle parvenait à joindre les deux bouts grâce à une petite industrie de ménage que les dames peuvent exercer dans quelques villes du Midi sans faire gloser le monde. Elle faisait du verre de gris. Rien n'est plus facile. On achète des feuilles de cuivre rouge et on les met dans sa cave. Le verre de gris se forme tout seul, et lorsqu'il y en a assez, on le vend. La vieille dame vivait ainsi à l'abri de la gêne. C'était une dame très comme il faut, grande, sèche, gracieuse malgré cela, de cette grâce particulière aux vieilles familles nobles. Et elle en était, en effet, d'une des plus anciennes maisons de la province. Lorsque je la vis pour la première fois, je ne pouvais comprendre qu'une femme aussi distinguée eût pu épouser un simple commis à cheval. Plus tard, je sus que c'était un mariage de dévouement. Son mari, lorsqu'on le lui avait présenté, était fournisseur aux armées et énormément riche. Elle s'était sacrifiée pour tirer sa mère et ses sœurs de la misère où la Révolution les avait jetées. 2 ans après cette union, son mari s'était ruiné et il avait obtenu sa place où il était resté jusqu'à sa mort. Elle était d'une grande piété et, ce qui ne va pas toujours avec ce genre de mérite, d'une bienveillance à toute épreuve. Jamais elle ne disait de mal de personne. Après le bon Dieu, ce qu'elle aimait le plus au monde, c'était son locataire. Quel qu'il fût, elle le qualifiait toujours de « charmant garçon, rangé comme une jeune fille ». Elle avait marié 4 de mes prédécesseurs grâce à ses relations avec le clergé, et tous étaient parfaitement heureux. Après son locataire venait, dans l'ordre de ses affections, ses vers à soie, bonne bête au demeurant, mais qui lui donnait parfois de grands chagrins, lorsque la muscardine, ce choléra des vers à soie, les enlevait par centaines et le cocon avec. C'était d'ailleurs une affection intermittente qui finissait avec la 3e mue. Et lorsque la bonne dame voyait ses élèves grimper aux branches, choisir leur place et disparaître peu à peu, comme dans un nuage, sous l'entrecroisement des fils de la soie, il lui semblait qu'on y enfermait une partie de son cœur jusqu'à la saison suivante. Lorsque les cocons étaient recueillis et vendus, toute l'activité de cœur et d'esprit de la vieille dame se reportait sur son verre de gris. C'était sa 3e affection sur cette terre. Sa 4e, en comptant le bon Dieu. Elle descendait matin et soir à sa cave et combinait tout le long du jour 1000 petits moyens de commère pour activer l'oxydation. De temps en temps, elle raclait ses plaques que la nature, dans son infatigable et inépuisable bonté, ne tardait pas à recouvrir d'une nouvelle couche de verre de gris. Et la dame raclait de nouveau, et la nature oxydait encore. Et ainsi, entre la nature généreuse et la dame reconnaissante, se continuait cet affectueux commerce de soins, d'une part, de bienfaits, de l'autre, qui, dans la magnanerie, dans le jardin et dans la cave, faisait contribuer les 3 règnes de la nature à la prospérité modeste de la maison. Madame Pérus, ainsi s'appelait ma propriétaire, avait conservé toutes les habitudes de son monde et en était restée au mode du temps de sa jeunesse. Elle faisait la petite voix lorsqu'elle abordait ou recevait quelqu'un et tournait la tête de droite et de gauche en l'inclinant gracieusement, tout le temps que duraient ces préliminaires insignifiants qu'il est d'usage d'échanger au début de toute conversation. et jusqu'à ce que ce fût fini, elle souriait. Elle se coiffait en coque, une de chaque côté de la figure, deux sur le plus haut sommet de la tête. Elle portait au cou un ruban de velours noir avec une croix d'or, comme Ketty dans Le Chalet. Jenny Verprey, qui avait créé ce rôle il y a quelque 50 ans, était son type. Cette actrice a passionné le monde, comme aujourd'hui fait Sarah Bernhardt. On avait dit à Madame Pérusse, qui était alors Mademoiselle de La Roche-Sansonnac, qu'elle ressemblait à Jenny Verprey. Une fois mariée, Madame Pérusse avait adopté la robe blanche courte, les manches à gigot, le petit tablier de taffetas vert à dents de loup, les mitaines de filet noir et les souliers attachés autour de la jambe par des faveurs croisées formant des losanges dont la série se perd sous le jupon. Telle elle était encore, sauf la robe blanche que la toile de Vichy avait détrônée peu à peu et le tablier vert qui était devenu noir. La société n'est pas nombreuse à Cerceau-la-Toupie. Madame Pérusse, en y arrivant, était encore jeune et aurait aimé avoir un peu de monde. Mais elle se sentait trop bien élevée pour frayer avec les gros bonnets du pays, gens d'ailleurs peu sociables. Elle ne vit d'abord que le curé. Plus tard, lorsqu'elle fut devenue veuve, les familles nobles du voisinage lui firent quelques avances, auxquelles sa pauvreté ne lui permit pas de se rendre. Elle se bornait de sa part à aller dîner une fois l'an au château de Ménilfontaine, où, au dessert, le plus vieux gentilhomme portait la santé du roi, le plus jeune la santé de la reine, après quoi on se levait de table et on allait faire un reversi dans le grand salon. Ainsi se passait depuis bien des années la vie monotone de Madame Pérusse, et elle aurait continué ainsi indéfiniment sans l'arrivée de Monsieur Lecoq, buraliste des contributions indirectes à Cerceau-la-Toupie, homme exécrable sous tous les rapports, et qui n'avait pas peu contribué à abréger les jours de Monsieur Pérusse par les désagréments dont il l'avait abreuvé dans leurs relations forcées de service. Lecoq était marié et il rendait sa femme très malheureuse. Les deux dames ne se voyaient que politiquement, comme on dit, tant que leurs maris vécurent. Il n'y avait en effet rien de commun entre elles deux que cette antipathie instinctive qui sépare les gens nés dans des conditions différentes et rapprochés de force par les hasards de la vie. Mais Lecoq et Pérusse étant morts dans le même mois, ce fut pour les deux veuves une occasion de se voir davantage. Madame Lecoq appartenait à cette variété si nombreuse de la race féminine que caractérise une petite taille et un léger embonpoint. D'où, par une analogie naturelle qu'on peut appeler la loi de l'assortiment, toutes les formes et tous les traits de sa personne s'épanouissaient en un style mignard et fleuri. Petite tête, petite main, petits pieds, taille courte, hanches opulentes, figure ronde, petits yeux pétillants, lèvres sensuelles et carminées, le tout fort proprement enveloppé dans une peau fine et légèrement rosée. Tel était son signalement. Je regrette d'être obligé d'ajouter que Madame Lecoq avait 65 ans, et ce premier aveu me met plus à l'aise pour vous en faire un second. C'est qu'elle était sourde comme on ne l'est que dans les vaudevilles. Son mari lui ayant laissé une petite fortune, elle vivait de ses rentes sans rien faire. Elle était gourmande comme une chatte, et sa surdité ne lui permettant pas de se mêler aux conversations de ses voisines, elle avait imaginé un plan d'existence qui donnait ample satisfaction aux deux envies dont se composait le très simple mécanisme de son activité. L'envie de parler, l'envie de manger de bonnes choses. Elle passait son temps dans sa cuisine, assise sur un de ces fauteuils de paille à marchepied dont les maîtres d'école se servent pour se tenir à la hauteur de leurs fonctions, parce qu'ils peuvent, de là, surveiller les marmots en les dominant. Madame Lecoq, toujours tirée à quatre épingles, avec beaucoup de lingerie et de rubans, trônait sur ce fauteuil du matin au soir. Et, depuis le matin jusqu'au soir, à part l'heure des repas et d'une petite promenade, elle ne cessait de parler à sa servante. Ses discours étaient si variés, si bienveillants, si instructifs, si appétissants, que sa petite bonne, après en avoir eu la migraine pendant les 8 premiers jours de son service, avait fini par s'habituer au bavardage de sa maîtresse. À force de faire de petits bons plats, elle était devenue gourmande aussi, et se trouvait très heureuse de son sort. Madame Lecoq, qui, disait-on, avait eu dans sa jeunesse le cœur assez tendre, avait senti le besoin de reporter sur quelque chose l'excédent d'affection, peu embarrassant d'ailleurs, que le trépas de Monsieur Lecoq avait laissé disponible. Après de longues méditations, elle avait choisi pour cet emploi un couple de serins. Chaque printemps, elle se plaisait à voir renaître entre ces deux intéressants volatiles une tendresse que les barreaux de cage resserraient, sans la refroidir et sans en dérober le spectacle aux yeux des curieux bienveillants. En sa qualité de fine cuisinière, même, elle avait fait, sur le choix de la nourriture appropriée à cette phase enthousiaste de la vie des serins, des observations savantes qui se traduisaient par un régime sur la nature duquel je vous demande la permission de ne pas insister. Telles étaient ces deux existences, petites et médiocres au possible, que la mort de deux époux vulgaires et peu regrettés venait de mêler ensemble depuis une année à peine, lorsque le hasard de ma carrière me fit locataire de Madame Pérusse. Vous voyez d'ici ces créatures insignifiantes, et vous ne pouvez pas penser qu'avec ces deux marionnettes, j'arrive à produire des effets bien dramatiques. N'y comptez pas, je ne crée pas les personnages, je les fais voir tels qu'ils sont. Mais la nature humaine, dans ses inépuisables combinaisons, ne se répète jamais deux fois, et telle est sa variété infinie, que quiconque peut réussir à peindre fidèlement un seul de ses aspects est sûr de faire un tableau inédit. Je n'ai donc aucun événement à vous raconter. Il ne s'en passait pas dans ces deux maisons. Mais la vie de l'âme, voilà le drame éternel, et burlesque ou tragique, il se déroule aussi bien dans le cœur d'une portière de la rue Mouffetard que dans celui de Phèdre ou d'Hermione. Mes deux héroïnes n'étaient pas, je le confesse, taillées dans le marbre pentélique. Elles ne l'étaient pas non plus pétries de la boue du ruisseau. Si vous voulez absolument que je les classe, je conviendrai qu'à mes yeux, elles occupaient, dans l'échelle de la nature humaine, un degré correspondant à celui qu'on pourrait assigner, dans l'art de la statuaire, à ces têtes de carton peint dont les modistes se servent pour confectionner les chapeaux des dames. Mais qu'importe, tout est intéressant dans la nature. Et n'avons-nous pas vu, de nos jours, l'histoire de l'invalide à la tête de bois passionner toute une génération et faire palpiter les cœurs depuis les solitudes glacées du pôle jusqu'aux déserts enflammés de l'Arabie? Je soutiens donc que mes deux vieilles dames sont tout aussi présentables que Corinne et que Julie. À coup sûr, elles sont moins ennuyeuses, et c'est déjà quelque chose. Le moment est venu de vous faire un dernier aveu sur le compte de Madame Pérusse. C'est que ma digne propriétaire était non moins sourde et peut-être un peu plus bavarde que Madame Lecoq. Toute la différence entre elles, c'est que Madame Pérusse avait une voix grave et nasillarde, tandis que Madame Lecoq avait une voix flûtée et grasseyante. Le siège du caquetage était chez la première dans les fosses nasales, chez la seconde dans la langue et les lèvres. Madame Pérusse palabrait, Madame Lecoq jabotait. Leur commune infirmité était devenue, grâce au hasard qui les avait réunis, un lien vraiment providentiel. Car chacune d'elles, également hors d'état d'entendre ou de se taire, était également intolérable à toute autre personne qu'un sourd, et également incapable de supporter les intervalles de silence auxquels les bienséances de la conversation normale condamnent à tour de rôle chacun des interlocuteurs. Malgré les illusions que les sourds se font sur leur infirmité, les deux dames n'avaient pu se dissimuler, dès les premiers essais de conversation un peu suivis, qu'il ne fallait pas songer à s'entendre sérieusement. Également convaincues de l'inutilité absolue de toute tentative dans ce sens, mais également convaincues aussi qu'il leur était impossible de vivre sans parler, elles avaient passé outre. Et peu à peu, par un accord tacite que la force des choses avait établi entre elles, elles en étaient venues à échanger, dans leurs visites, des séries de propos quelconques sur les deux ou trois sujets qui formaient le répertoire de leurs pensées. Les gestes, les mines, dont chacune d'elles accompagnait son débit, leur servaient de renseignements vagues sur la teinte et le style du sujet traité par l'adversaire. Quant au sujet lui-même, il était déterminé de droit, pour celles des deux dames qui écoutaient, par les quelques mots qu'elles parvenaient à saisir, à travers le murmure vague de la parole. Il résultait de tout cela des colloques insensés, puisque le simulacre de conversation auquel se livraient les deux vieilles dames ne reposait que sur une hypothèse démentie par le fait de leur irrémédiable et infranchissable surdité. Colloque d'autant plus insensé que 9 fois sur 10, ce qu'elles entendaient était entendu de travers. Et pourtant, tout bien considéré, elles avaient raison, le résultat était le même. Elles échangeaient des propos insignifiants, mais elles ne les entendaient pas. Elles étaient, ainsi, garanties contre l'ennui réciproque qu'elles se seraient mutuellement causées. Mais elles parlaient à volonté. Elles avaient donc tous les avantages de la conversation, sans en avoir à craindre les inconvénients. C'est ainsi, par exemple, qu'elles ne craignaient pas de se faire les confidences les plus intimes, les plus délicates, sûres qu'elles étaient de ne pas pouvoir être trahies. Je n'ai plus qu'à ajouter un renseignement utile, quoique d'une manière secondaire, à l'exposé des faits. C'est que la servante de Madame Lecoq avait 17 ans, qu'elle était blonde, jolie comme un cœur, et qu'elle se nommait Louison. Maintenant que tous les éléments de l'expérience sont en place, nous n'avons plus qu'à mettre en mouvement les deux appareils psychologiques dont nous venons de décrire les ressorts. Et il suffira pour cela de mettre en présence les dames Pérus et Lecoq, car à peine sont-elles aperçues que leurs langues se mettent en mouvement. Madame Pérus. Bonjour, madame. Madame Lecoq. Bonjour, madame Pérus. Madame Pérus. Vous êtes bien aimable d'être venue me voir. Madame Lecoq. Merci, et vous-même. Madame Pérus. Merci, et vous-même. Madame Lecoq. Et monsieur Jules, comment va-t-il? Madame Pérus. Comment se porte le serin, la serine, souriant, les serinots, les serinettes? Madame Lecoq. Tout ce que vous voudrez. Combien en voulez-vous de serviettes? Vous avez donc du monde à dîner? Eh bien, je vous en enverrai une douzaine ce soir par Louison. Madame Pérus. Je vous remercie, mais aujourd'hui, vrai, je ne peux pas. Je suis trop enrhumée. Je ne suis pas moins sensible à votre aimable invitation. Madame Lecoq. Louison, ne m'en parlez pas. Cette petite me fera mourir de chagrin. Enfin, je ne peux pas réussir à obtenir quelconque jusqu'à 200 pour me faire cuire mes œufs à la coque. On... Madame Pérus. J'en ai 50 livres. Madame Lecoq. Dirait vraiment qu'elle fait exprès de les laisser durcir. Madame Pérus. Et ce qu'il y a de tout à fait extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas là-dessus 100 cocons jaunes. Madame Lecoq. Oui, c'est justement ce que je lui disais encore tout à l'heure. C'est extraordinaire de voir une fille intelligente comme vous ne pas pouvoir compter jusqu'à 200 sans se tromper. Et vous concevez que ça ne peut pas aller. Autant de fois elle se trompe, autant de fois elle recommence. Si bien qu'un jour elle a laissé mes œufs 10 minutes dans l'eau bouillante. Ce n'étaient plus des œufs, ma chère Madame Pérus. C'étaient des billes de billard. Vrai, j'avais envie de m'en servir pour raccommoder mes pas dessus, pour lui faire honte. Madame Pérus. Qu'il diminue dans l'eau bouillante. Pas du tout, ma chère Madame Lecoq. Il gonfle au contraire. L'eau bouillante tue la chrysalide, pauvre bête. Et font la gomme naturelle qui colle le fil. Sans cela, on ne pourrait pas dévider la soie. Madame Lecoq. Oh, il faut que je vous raconte. Vraiment, c'est à ne pas croire. Comme ces petites bêtes s'aiment. Enfin, depuis 2 jours, ils s'embrassent. Mais de vrais baisers, là, comme des personnes. Enfin, vous me croirez si vous voulez, mais c'est au point que j'étais obligée de couvrir la cage du côté qui faisait face au fourneau. Parce que Louison ne fait que les regarder. D'un air mystérieux. Je suis sûre qu'avant 1 mois, elle va pondre. Madame Pérus. Comment pondre, Louison? Je crains, chère madame, de mettre méprise sur le sens de vos paroles. Serait-il possible que cette jeune fille, jusqu'à présent si pure et si chaste, ait tout à coup oublié ses devoirs? Pour moi, j'ai peine à le croire, et, baissant les yeux, à moins que vous n'ayez des raisons, des preuves visibles, convaincantes, de son état, je ne doute pas que vous n'ayez été abusée par des apparences trompeuses. Madame Lecoq. Des apparences trompeuses. Oh, pour ça, il n'y a pas de danger. Jamais elle n'a fait un œuf clair. Maintenant, vous savez, les petits ne viennent pas toujours bien. il y en a qui sont plus délicats que les autres. Et puis, enfin, les accidents. Vous rappelez-vous ce petit qui est tombé dans le fromage de la pie? Ah, ça me fend le cœur quand j'y pense. » Elle pleure. Madame Pérusse pleurant. « Pauvre chère madame, vous en êtes donc bien sûre ?» Madame Lecoq. « Comment si j'en suis sûre ?» essuyant vivement ses larmes et parlant avec une extrême volubilité. « Ah, qu'on a bien raison de dire qu'il ne faut s'en rapporter qu'à soi-même pour le soin des enfants. Car enfin, pauvres petits innocents, c'est comme des enfants, ces petits oiseaux à la mamelle. Il ne faut pas les perdre de vue une minute si on veut être sûr de les élever. Ah, c'est une fameuse leçon pour moi, allez. C'est cette malheureuse idée que j'ai eue de suspendre le nid en haut de la cage, au lieu de le mettre au bas comme d'habitude. Car enfin, moi, j'avais cru bien faire en mettant le fromage à la pie au-dessous du nid, pour ce que les émanations fortifient les petits, n'est-ce pas? Est-ce que je pouvais mettre ça dans une soucoupe pour que le mâle vienne patrouiller là-dedans avec son bec et ses pattes et aller tout saligoter dans la cage? Est-ce que tout le monde à ma place n'aurait pas fait comme moi? Vous concevez bien qu'une fois tombé dans la tasse à café, le petit ne pouvait pas sortir. Il sera tombé la tête la première dans le fromage. Madame Pérusse. Ah, excusez-moi, chère madame, j'avais mal entendu. Je croyais que vous me parliez de vos serins. Ah, par exemple, je ne sais vraiment où j'avais la tête. Elle rit. Excusez-moi, chère madame, n'est-ce pas? Vous savez que j'ai l'oreille un peu dure. Madame Lecoq. L'oseille aux œufs durs? Mais c'est très simple. Vous épluchez votre oseille, vous la faites blanchir, vous la pilez, vous la passez à la petite passoire, vous la mettez dans une casserole avec beurre, bouquet garni et un jaune d'œuf. Quand c'est cuit, vous posez dessus les quartiers d'œufs durs. Un peu de jus de rôti ou de poulet ne fait pas de mal. Madame Pérusse. Oh, je sais bien, chère madame, que vous avez l'esprit trop bien fait pour supposer que je veuille vous blesser. Allez, je sais bien ce que c'est que les ennuis de bonne, et feu monsieur Pérusse, devant Dieu soit son âme, m'a donné plus d'un désagrément de ce côté-là. Mais ce qui est passé, mal d'autrui n'est que songe, dit le proverbe, et ce proverbe a, ma foi, bien raison. Madame Lecoq. Dieu voit son âme, Dieu voit son âme, sans doute. Mais le passé, comme vous le dites fort bien, le passé. Madame Pérusse. Aussi, je vous assure que ça peut passer. J'en ai vu des exemples, moi-même. Elle parle à l'oreille de Madame Lecoq, qui n'entend pas un mot et qui fait de la tête des signes d'assentiment. Madame Lecoq montrant le plafond. Voilà pourtant un plafond que j'ai vu faire. Madame Pérusse. Je crois qu'il est sorti. Il attend son inspecteur qui doit arriver aujourd'hui. Le connaissez-vous? C'est un homme, oh, tout ce qu'on peut voir de plus distingué. Ma foi, ils sont bien ensemble, et quand ils se promènent tous deux sur le champ de foire, on dirait deux princes. Madame Lecoq. Comment? Il attend d'être nommé inspecteur? Mais il faut d'abord qu'il soit vérificateur. À propos, est-il rentré? Madame Pérusse. Mes cocons? Je vous demande bien pardon, chère madame, je n'y étais pas du tout. Je croyais que vous me parliez de mon locataire. Madame Lecoq. Croiriez-vous que l'autre dimanche, parce qu'il était arrivé 5 minutes en retard à la messe, la femme du maire le regardait avec un air de mépris? Madame Pérusse. Mon verre de gris? Je vous demande bien pardon, chère madame, je n'y étais pas du tout, pas du tout. Je croyais que vous me parliez de mes cocons. J'espère en avoir pour 50 francs à la fin de l'hiver. J'ai mis des plaques dans le petit cellier là à côté, parce que j'ai réfléchi que je pouvais placer mes provisions dans l'office. Ici, les deux bonnes dames, excitées par ce petit caquetage préliminaire, s'assirent vis-à-vis l'une de l'autre, déployèrent leur ouvrage, et, les yeux baissés sur leur broderie, se mirent à parler toutes les deux à la fois, d'où résulta le duo ci-après, que je transcris sans commentaire. Madame Pérusse. Il est bien certain qu'il n'est pas pos... Madame Lecoq. Vous savez bien, François le Messa... Cible de voir un plus saint homme que monsieur le curé. Monger pour Carsigny? Il paraît qu'il est du dernier bien avec... Seigneur le lui a bien dit, devant tout le monde, le jour de... la cuisinière du sous-préfet. Il lui a vu faire un gâteau, la tournée pastorale. Mon cher abbé, recueillez en ce... au riz à la crème et à la confiture de groseille. Avec les beaux jours, le fruit de vos soins pour ces chers enfants. Fruits confits hachés et de l'angélique, que c'est à se lécher. Je vous bénis avec eux et toute votre paroisse. Elle, les doigts, aussi j'ai pris la recette par écrit et je l'ai... pleure. Mon Dieu, qu'il est bon et qu'il a l'air distingué. Chargé de m'acheter 2 quarterons de fruits confits. Monseigneur, et quelle bienveillance! Quand on lui a sorti chez le pâtissier. Mon Dieu, je sais bien que j'eus dit que j'étais la plus ancienne dame de la congrée. Me prépare encore peut-être un déboire avec cette petite. Gassion du rosaire, croyez-vous que sa grandeur a daigné? Louison, mais que voulez-vous? Tenez, madame Pérusse, me donnez sa croix à baiser. Et concevez-vous que le... cette fille-là me fera mourir de chagrin si je n'avais pas... Soir, après dîner, monseigneur est rentré chez moi pour mes serins. Mais cette petite bête me console de tout. Visitez mes verres à soie et qu'il a daigné les bénir. Aussi, il n'est pas possible d'être plus aimable et mieux élevé. Vous avez vu quelle récolte, et monsieur Jules, mon locataire. Enfin, il y a des jours qu'on croirait qu'il ne leur manque. Quelle tenue! Croiriez-vous que sa grandeur n'est déjà... que la parole! Ainsi, je veux leur acheter une cage toute. Mais, vu travailler les verres à soie, monsieur Jules lui a tout. Neuf à barreaux peints en verre. C'est beaucoup plus gai. Expliquez, oh oui, avec une politesse, avec une grâce. Ça leur rappelle le pays, pauvre petit chéri. Croyez? Enfin, monseigneur, a dit monsieur le curé qui n'en revenait. Vous, que ça leur fasse beaucoup de peine d'être en fer. Pas de voir un jeune homme si bien élevé et qui sait si... Mais quand on aime, madame Pérusse, on suppe. Bien expliqué les vers. En passant dans la cuisine, il a vu... porte tout, n'est-il pas vrai? Et avec plaisir encore. Ah! 3 grands bocaux de verre de gris. J'ai un nouveau plat. À ce moment, l'envie de rire que je comprimais depuis quelque temps fut plus forte. J'eus un mouvement qui me fait perdre l'équilibre et je tombai lourdement du haut de la table. J'étais monté sur cette table afin de voir et d'entendre les 2 vieilles dames à travers une lucarne qui donnait du cellier dans la salle à manger. Dans ma chute, j'entraînai Louison qui était aussi sur la table. Table si étroite que j'avais été obligé de la soutenir par la taille pendant tout le temps que dura le colloque des 2 dames. Cette double chute entraîna malheureusement un effet qui nous épouvanta tous les 2 par la crainte des interprétations fâcheuses auxquelles aurait pu donner lieu notre présence simultanée et prolongée dans ce cellier obscur. Cet effet fut que toutes les feuilles de cuivre déposées sur les tasseaux le long des murs tombèrent en imitant le fracas du tonnerre. Un moment se passa, moment bien court, mais pendant lequel toutes les conséquences de cet accident se déroulèrent à mes yeux avec la rapidité de l'éclair. Je vis Louison déshonorée, ma réputation perdue, ma carrière compromise, Cerceau la toupie scandalisée, madame Lecoq en fureur, madame Pérusse en larmes. Madame Pérusse leva la tête et la tournant vers madame Lecoq. « Chère madame, lui dit-elle, est-ce qu'on n'a pas frappé ?»« Je crois que oui, dit madame Lecoq. » Madame Pérusse posa son ouvrage, secoua son tablier, rajusta ses coques, et se tournant gracieusement vers la porte, elle dit en faisant une petite révérence. « Entrez !»